elle, aime-la plus que tout, aime sa nuque, ses genoux. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones pour 29 décembre, lundi 29 décembre 2014. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. On aura du rock progressif comme d'habitude et ce soir à l'émission, nous avons Andy Jackson, Lunatic Soul, Gaspacho, Haken, Dave Kirshner, Morta, State Urge, Phoenix Again, Palace, Peter Hamill et Marillion. Dans le cas de Marillion, c'est assez inusité, c'est du rock progressif de Noël. Alors, ça vient de sortir en 2014, cette fin de l'automne, et on aura The Carol of Bells. C'est une chanson bien connue, mais traitée en progressif à la fin de l'émission. Alors, pour débuter, nous avons Andy Jackson, que nous connaissons comme étant l'ingénieur du son et le coproducteur de l'album Division Bell de Pink Floyd. Ça monte déjà à 20 ans. Et il avait fait des enregistrements en privé, personnel, et là, il vient sortir un album solo qui s'appelle Signal to Noise. On en a déjà entendu parler un petit peu à l'émission les semaines passées, et on reprend ça ce soir avec trois pièces de l'album. La première, c'est It All Came Crashing Down, Invisible Colors et Bornean Motion. Alors voici Andy Jackson. Yeah. Alors, vous venez d'entendre Andy Jackson avec la pièce Brownian Motion. Ça a été précédé de Invisible Colors. Et en tout début de bloc, nous avions It All Came Crashing Down. Les trois pièces sont extraites du nouvel album de Andy Jackson. L'album s'intitule Signal to Noise. Et ça vient tout juste de paraître. Alors, on enchaîne avec un groupe polonais du nom de Lunatic Soul, qui en fait se trouve à être le projet parallèle du bassiste du groupe Riverside. Le bassiste s'appelle Marius Duda, et pour ses projets de Lunatic Soul, il s'entoure de certains musiciens de Riverside et quelques autres trier sur le volet. Alors, on va entendre une pièce qui est tirée de l'album Walking on a Flashlight Beam. C'est le dernier opus de Lunatic Soul qui est paru cet automne. Alors, on va entendre Pygmalion's Ladder. Voici Lunatic Soul. Light and dark. shut us down. But I retrieved my dreams of us. Suddenly, suddenly, Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe polonais Lunatic Soul avec la pièce Pygmalion's Ladder, tirée de l'album Walking on a Flashlight Beam. On va du côté de la Norvège maintenant avec un groupe du nom de Gazpacho qui sont actifs depuis le début des années 2000 avec déjà 8 albums studio à leur actif. Et dont le tout récent Demon, là, qui est paru en 2014. Mais ce soir, on va faire un petit retour en arrière en 2007. Et on va aller chercher une pièce dans l'album Night. Et la pièce s'intitule Dream of Stone. Alors voici les Norvégiens Gazpacho. Alors, c'était Gaspacho avec la pièce Dream of Stone et c'est extrait de l'album Night qui est paru en 2007. Notre prochain groupe, Haken, est un groupe d'Angleterre qui ont trois albums à leur actif, dont le dernier, The Mountain, qui est paru en 2013. Mais un peu après, on a eu une compilation qui est en fait une... Ils ont ressorti certains enregistrements précédant leur premier album en 2010 et ils ont produit un CD qui s'appelle Restoration. C'est paru il y a quelques semaines. Et alors, on va entendre un extrait de la pièce Crystallize. Alors, voici Haken. Falling all around, what once was lost has now been found. The life I had to leave behind is crystallizing in my mind. Reminiscing on the past, a bygone time that could not last. The split ring, the crystal bell, will not chime. Crystallizing the stars of my faded youth. My stars free in the days of your white seed. The once was pure gold, now is falling. by embracing the future. D'entendre le groupe britannique Haken avec la pièce Crystallized, un extrait de la pièce Crystallized, et c'est sorti ça de l'album Restoration qui est paru il y a quelques semaines. Notre prochain artiste est un musicien du groupe Sound of Contact qui a fait un album solo. Il s'agit de Dave Kirzner. Dave Kirzner qui s'est entouré de très grosses pointures pour participer à la production de cet album-là. Je vous fais une liste, là. Vous allez reconnaître Steve Hackett, entre autres, de Genesis. On a Heather Finley, la soliste du groupe Mostly Autumn. On a Kate Emerson, d'Emerson, Lake & Palmer. Colin Edwin, de Porcupine Tree. On a Nick Dervigilio, qui est un batteur connu pour ses participations dans plusieurs groupes. On a Billy Sherwood, de Yes. On a aussi, qui d'autre, on a des chanteurs, des backups de Australian Pink Floyd et de Chicago, et aussi de Big Big Train. En fait, c'est de la haute voltige. Alors, l'album vient tout juste de sortir, il s'intitule New World. Alors, voici Under Control. Extracting a sword. Alors, c'était Dave Kirzner de Sound of Contact avec la pièce Under Control. C'est extrait de l'album qui vient de paraître du nom de New World. Alors, on continue avec un groupe canadien. C'est une découverte pour moi. C'est un petit peu un genre différent de ce qu'on a à l'émission. Alors, c'est le nom du groupe, c'est Morta. Ils viennent de sortir un album qui s'appelle Morta, un album éponyme. Et on va entendre la pièce Doc. We'll be right back. Alors, c'était le groupe canadien Morta de Toronto avec la pièce Doc. C'est tiré de l'album éponyme qui vient de sortir il y a quelques semaines. On enchaîne avec un groupe polonais du nom de State Urge. Ils ont un album en 2013 et c'est un groupe assez récent. Et ils viennent tout juste de faire paraître un nouvel album du nom de Confrontation. Alors on va entendre la pièce More. Voici State Urge de Pologne. More than a smile, more than C'était une nouveauté du groupe polonais State Urge. L'album qui vient de sortir s'appelle Confrontation et la pièce qu'on vient d'entendre s'intitule More. Alors, on continue avec un groupe italien du nom de Phoenix Again, qui sont connus pour avoir... Ben en fait, leur début est quand même assez lointain. On parle de 1982. Ils ont été très peu... prolifique, en fait, deux albums, dont un qui est sorti en 2014, et on va entendre la pièce Winter, c'est extrait de l'album Lookout. Voici le groupe italien Phoenix Again. Alors, c'était le groupe italien Phoenix Again avec la pièce Winter. Ça, c'est extrait de l'album qui est paru il y a déjà quelques mois. L'album s'intitule Lookout. Prochain groupe, c'est un groupe britannique du nom de Palace. Ils ont, en fait, ils viennent de faire paraître un album il y a quelques semaines, en fait deux semaines. Et c'était très attendu parce que c'est un groupe qui, depuis les années 90, a été assez parcimonieux dans ses albums. Il y en a six seulement. Alors ça, c'est le septième. C'est, à mon avis, un des bons albums de 2014. Alors, l'album s'intitule « We are who we are ». Et on va entendre la pièce « Dominion ». Alors, voici « Palace d'Angleterre ». C'était le groupe britannique Palace avec la pièce Dominion et cet extrait de l'album qui vient tout juste de paraître, We Are Who We Are. Là, on va aller dans une autre direction complètement avec Peter Hamill, qui ceux qui le connaissent, l'ancien chanteur du groupe Van der Graaf Generator des années 70. Et depuis ce temps-là, il mène une carrière solo. Il est assez prolifique. Il vient de sortir un album, son 39e album studio. Et en plus, c'est un album double, alors on peut dire qu'il manque pas d'inspiration. C'est de la musique un petit peu expérimentale, alors on va entendre une pièce instrumentale qui s'appelle 57 Wishes Until, et l'album double qui vient de paraître s'appelle All That Might Have Been. Alors voici Peter Hamill.

Alors, c'était le groupe Marillion avec la pièce « The Carol of the Bells » et c'est tiré de leur tout récent album de Noël « A Collection of Recycled Gifts ». Alors, mon nom est Jimmy Farley et j'espère que vous avez aimé l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones. Même heure, même poste.